Selon Newsis de Corée du Sud, le 1er août, un député de l'opposition a inséré un écrit sur l'Internet. Il y a dénoncé. La décision des autorités sur la disposition supplémentaire de SAD est le résultat de la soumission à la pression américaine. À travers la disposition de SAD, les États-Unis domptent la Chine et testent la fidélité de l'actuel pouvoir sud-coréen aux États-Unis. Par ailleurs, selon Yunamnus de Corée du Sud, le 2 août, le comité de lutte de Songju contre la disposition de SAD, le comité de mesures d'urgence pour la sauvegarde de la terre sacrée de Songju du bouddhisme Won et d'autres habitants ont critiqué la décision des autorités sud-coréennes sur la disposition supplémentaire de SAD dans un meeting devant la maison du village de la commune de Soson du canton de Chosun de l'arrondissement de Songju de la province du Gyeongsang du Nord.